qui avait des livrets militaires, des souvenirs militaires qui nous ont sauvés en 1945, qui Oui. nous ont sauvés des Allemands. Et qui étaient là-bas, ils voulaient être tranquilles. Donc eux, ils auraient aimé que ça continue à être gouverné par les Français. Ils auraient aimé, parce qu'ils étaient bien, ils avaient leur petite retraite, ils avaient leur petite terre.